cette ancienne base expérimentale a été abandonnée, elle ne sert plus qu'à larguer les exilés. Elle évite tout contact entre nous et les droitiers. Moi j'y viens parfois pour y traquer l'anchois. Je ne connais pas. Je ne suis qu'une étrangère, et pourtant tu me souris, tu m'aides à passer la barrière. Ici y a pas d'étrangers, chacun a sa place, même si comme toi et moi, nous sommes beaucoup d'exilés. Nous vivons en frères, exilés ou insulaires. Ici nous sommes tous. Des enfants de la terre. Frissons sur l'eau, embrun sur la peau. Arrêtons le bateau, ça y est, c'est le moment. Regarde comme c'est beau, un cerf-volant. À la prochaine lune, nous quittons la saison de l'eau pour entrer dans celle des vents. Ici nous fêtons cet événement, chacun à sa manière célébrera le vent. Moi je vais le faire avec mon cerf-volant. Tu ne dis rien, tu n'as pas l'air très bien. Rentrons à terre, tu te reposeras.